Chapitre 8e. Septembre était arrivé, jetant sur la verdure trop uniforme de l'été des glacis d'or, de bronze et de pourpre. Les jours étaient beaux et les soirées d'une sérénité charmante. Depuis que j'aimais Valérie, j'avais un peu négligé, non d'instruire Gustave, nos leçons allaient toujours bon train, mais de l'amuser. Mon corps me le reprochait, et un dimanche soir, pour le dédommager, je lui proposai une promenade en bateau qu'il accepta avec enthousiasme. Pas n'était besoin d'aller loin. Il n'y avait qu'à passer un pont rustique jeté sur le ruisseau qui limite la propriété Grünkopf, et l'on se trouvait dans un bois de hêtres au milieu duquel le Doppelhof, un lac en miniature, s'étend comme un miroir mystérieux. La moitié de ce lac a été arrangée par un bain qui rapporte de bons revenus au baron, propriétaire de cette forêt. Le reste a été laissé à la disposition des amateurs de la science nautique. Moyennant une faible rétribution, on peut se donner le plaisir de ramer. Gustave aimait passionnément cet exercice, et en ma qualité de fils du Léman, je l'aimais aussi. Ce bois du Doppelhof est un véritable Éden, dont le maître, homme doux et humain, n'a jamais permis que la paix fût troublée par un seul coup de feu, et où les pinsons, les bouvreuils, se promènent par centaines dans les sentiers, daignant à peine se détourner quand on passe, où les écureuils vous regardent des branches les plus basses sans se déranger pour vous, où les papillons même se posent dans vos cheveux, et où l'on sent que l'homme n'a commencé à être craint que lorsqu'il est devenu méchant. Donc, ce dimanche-là, nous allâmes au Doppelhof. La petite Anna nous suivit, entraînant sa gouvernante. Nous louons une barque et nous invitons Mademoiselle Charlotte à y entrer avec l'enfant. L'institutrice, qui avait grand-peur de l'eau, voulut persuader Anna de s'asseoir tranquillement auprès d'elle, sous un arbre, pour nous regarder naviguer. Mais la petite fille se mit à crier qu'elle voulait aller en bateau. J'offris de la prendre avec moi. « Non, non, » dit Mademoiselle Charlotte, « vous ne pourriez pas la fois ramer et la surveiller. Et un accident est si vite arrivé. » Pendant que nous discutions et qu'Anna, la petite volontaire, criait « Je veux aller en bateau, moi !» Une dame en deuil, suivie d'un domestique, s'approcha de nous. C'était Madame Müller et son fils Hans. Elle s'informa de la cause du débat et offrit de prendre l'enfant dans son bateau, assurant qu'il n'y avait aucun danger puisque son domestique ramerait, et qu'il était aussi habile que prudent. Mademoiselle Charlotte hésitait, mais Anna cria « Oui, oui !» en s'attachant à la robe de Madame Müller, qui la souleva dans ses bras et entra avec elle dans l'esquif. La double navigation commença. La soirée était admirable. Les grands hêtres nous entouraient d'un cercle d'ombre que les rayons de la lune pailletaient d'argent. Un souffle léger moirait la surface du lac et nous apportait les parfums des lys jaunes et des iris qui croissent sur les bords. Des notes envolées d'un orchestre lointain venaient chuchoter à nos oreilles d'amoureuses mélodies, et le vieux Hans lui-même chantait en langue bohémienne à Lied, où, à en juger par l'air doux et tendre, il était question d'amour. Chaque fois que le bateau de Valérie croisait le nôtre, elle m'apparaissait comme une madone tenant l'enfant divin dans ses bras. Le voile de gaze noire dont elle s'était enveloppée pour se garantir de la fraîcheur du soir faisait à son visage éclairé par la lune un fond sombre sur lequel il ressortait plus lumineux. Jamais je ne l'avais vue si belle. Ses yeux étaient levés vers le ciel, sur sa bouche errait un mystérieux sourire. À quoi rêvait-elle en ce moment? J'étais heureux. J'aurais voulu prolonger éternellement l'extase où me jetait la beauté de la nature et la beauté de Valérie. Mais bientôt, Mademoiselle Charlotte, inquiète, nous rappela. Elle craignait pour l'enfant l'humidité du soir. Il fallait obéir. Les deux bateaux se rapprochèrent du rivage. Madame Müller me remit Anna qui s'était endormie dans ses bras, puis elle me dit bonsoir et, comme à l'ordinaire, me tendit sa main que j'osais presser avec transport. Je ne dormis point de toute la nuit, bâtissant sur ce serment de main tout un échafaudage de bonheur et prenant cette fois la résolution de parler le lendemain sans plus attendre. Et je tins parole à peu près, c'est-à-dire qu'au lieu de parler, j'écrivis une lettre, bien folle sans doute. À peine avais-je mis cette lettre dans les mains de Hans que je m'en repentis. Je fus sur le point de la reprendre, mais je n'osais point, et je revins chez moi. Quelle angoisse! Quel battement de cœur tout le jour, et que j'eus de peine à donner mes leçons avec calme et dignité. La réponse arriva le lendemain matin, elle était courte. « Venez ce soir, nous causerons. » La matinée me parut longue, il me tardait d'être à mon heure de récréation. Cette heure, que je pouvais passer tout seul dans ma chambre, sans témoin, à relire ce billet et à chercher à deviner le mot de l'énigme. « Venez ce soir, nous causerons. »